En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. C'était les combines en fin de semaine, les tests d'habileté. Les gens ont pu voir ça sur NFL Network. On en parle avec notre ami Wallet du site internet lebitsnfl.com. Salut Wallet! Salut Yannis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, évidemment, très très content de te retrouver après une petite pause d'à peu près un mois et demi, à peu près. Ouais. Donc, les tests d'habileté en fin de semaine, je regarde. Écoute, je te conterai pas d'histoire, là. Je suis pas un. À la télévision, tu t'assises pas et tu regardes pas ça, là. Sauf que quand même, c'est quand même intéressant de voir. Puis pour les gens. Les tests d'habileté, il y a plusieurs. C'est quand même très important, là. Il y a plusieurs millions qui peuvent se perdre là, hein. Ouais, puis je pense que qu'est-ce que les gens semblent oublier, c'est que c'est pas simplement les tests d'habileté, c'est la semaine au complet, parce que les joueurs quand ils se présentent à Indianapolis pour le combine, ben avant de faire les tests sur le terrain, ils passent une panoplie d'entrevues, donc ils vont se retrouver face à face avec des entraîneurs-chefs, des directeurs généraux, des propriétaires qui vont leur poser des questions parfois difficiles, des questions sur leur antécédent, des questions sur leurs habitudes de vie, des trucs qui peuvent être parfois, on l'a vu dans le passé, qui peuvent être embarrassants, puis c'est ça qui fait perdre un peu des points à ces joueurs-là. Puis par la suite, ben il y a des tests médicaux, donc beaucoup de joueurs qui doivent passer des tests médicaux. Je prends par exemple Tua Tagovailoa qui a passé les tests médicaux la semaine dernière. Puis beaucoup d'équipes sans dire que sa blessure, eux sont satisfaits avec les résultats médicaux puis qu'ils pensent pas que ça soit un problème dans le futur pour toi. Puis après ça, tu as les tests, comme tu viens de l'expliquer, les tests physiques. Puis je pense que... Ce qu'on voit à TV, à NFL Network, en fait. Ouais, qu'on voit à la TV. Plus cette année, on a changé un peu le format. Au lieu de commencer à 9h le matin, ben, ça commence à 4h l'après-midi. Ouais, pour être en prime time. Pour être en prime time. Puis de ce que j'ai vu, les codes d'écoute ont largement été augmentés. Moi, personnellement, un peu comme toi, là, c'est pas quelque chose que tu t'assis pour regarder. Ah là, moi, voir un gars porter des je le dis en joke, là, mais qui est en bobette puis qui court 40 verges, ça me dit pas grand-chose. La seule chose que ça me dit, c'est est-ce que tu t'es préparé, oui ou non? Mais sinon, ça finit pas mal là. Moi, c'est vraiment le combiné de qu'est-ce qu'on voit là avec les tests physiques, les tests médicaux, puis les entrevues qui vont m'en dire gros sur la personnalité des joueurs. Puis, ben dans les semaines qui suivent, t'as les pro day qu'on appelle, donc un peu le même principe. Les équipes de la NFL se déplacent dans différents campus, puis t'as les joueurs qui, eux, vont faire des tests. Je prends par exemple Joe Burrow, le récipiendaire du trophée Heisman. Lui, il était pas au combine en fin de semaine, là. Ben, il était au combine. Ouais, il a fait les tests médicaux, il a fait les entrevues, mais il a fait aucun test physique. Lui a décidé qu'il était pour faire ses tests physiques à l'université de Louisiana State. Puis moi j'ai aucun problème avec ça, comme je t'ai dit. Moi, voir Joe Burrow courir un 40 verges ou Joe Burrow lancer à des receveurs qui ont aucune couverture contre eux ou qui portent aucun équipement, ça me dit pas grand chose. J'aime mieux le voir dans un environnement où est-ce qu'il va lancer à ses propres receveurs. Puis c'est ça. Au final, tu as des joueurs qu'on va considérer gagnants de la fin de semaine Oui, dans les gagnants, on dit que Justin Herbert d'Oregon, Harrison Bryan, qui est un allié rapproché de Florida Atlantic, Aaron Fowler, qui est un receveur de passe, ainsi que John Iwater de Boise State, sont pas mal les grands gagnants, de même que C.D. Lamb aussi d'Oklahoma. Ouais, plusieurs receveurs de passe, hein. Ouais, ben ça là, dans les semaines là, qui vont précéder le repêchage, on en parle déjà, là, la classe des receveurs de 2020 est assez exceptionnelle. Je pense que la classe de receveurs et la classe de joueur de ligne offensive. C'est probablement les deux positions qui ont été les plus grands gagnants de la semaine du Combine. Là, beaucoup de joueurs qui ont fait des tests physiques assez incroyables. Aucun joueur qui s'est présenté, comme qu'on dirait, là, out of shape, là, pas en bonne condition physique. Sinon, je te dirais, les perdants, malheureusement, c'est Ben deux joueurs les que perdants, on moi. dit dans les perdants, on dit que Jake Froome de Georgia, ça fait longtemps qu'on le voyait aller. Aussi Jarrett Pinkley de Vanderbilt, de même que Laviska Shenault de Colorado. On dit que c'est les grands perdants. Ouais. Encore là pour Jake Fromm, on va dire de lui, ah, c'est pas le joueur avec les meilleures habiletés physiques, surtout si on compare avec un joueur avec un gabarit similaire, un peu comme Justin Herbert. Non, c'est vrai, il court pas aussi vite que lui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin, si je suis une équipe qui repêche un Jake Fromm, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il court vite? Moi, Jake Fromm, c'est probablement le joueur de la QV 2020 qui me rappelle le plus, un peu un Tom Brady. Ah oui. Puis, quand je vois ses aptitudes physiques, quand je vois ses habiletés d'être un leader dans le vestiaire, un corps arrière de système, moi, si j'étais une équipe qui repêche en fin de repêchage, puis que j'étais une équipe en banlieue de Boston, puis que je perds mon corps arrière durant la saison des agents libres, ben, je me tourne peut-être vers un gars comme Jake Fromm, puis qui sait, il peut avoir une Ben, carrière très bonne. c'est clair que si les Pats, ben, t'as Jarrett Stidham également qui était là l'année passée, qui a très bien Ouais. fait lors du camp d'entraînement. On ne l'a pas vu en saison. Par contre, c'est sûr que les Pats, si Tom Brady s'en va, soyez pas surpris qu'il repêche un autre carrière et qu'il a cherché un vétéran genre Philip Rivers ou Andy Dalton, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Andy Dalton avec les Pats. Ou même qui je voyais le Jameis Winston qui Ouais. potentiellement pourrait quitter Tampa Bay. C'est ça, comme tu dis, c'est toutes des rumeurs, mais moi, c'est un joueur qui. Il n'y a rien d'exceptionnel au niveau physique, mais les habiletés sont quand même là sur le terrain dans un match de football. Moi, je te dirais les deux perdants, puis c'est pas à cause qu'ils ont mal fait. C'est deux joueurs que j'adore en plus dans ce repêchage-là. Kenneth Murray, puis Patrick Queen. Deux joueurs qui sont des linebackers. Qui sont vus dans le top 5 à cette position-là. Les deux ils se sont pas déchirés le ischio-jambier, mais on parle d'une blessure qui pourrait les retarder un peu. Donc, genre de choses qu'on veut pas voir dans une fin de semaine où est-ce que tu fais, Non. comme que je viens d'expliquer, là, tu cours en ligne droite, sans équipement. Des blessures durant une situation de match, c'est une chose. Des blessures dans une situation littéralement de test physique qui veulent dire pas grand-chose selon moi. C'est toujours frustrant là, de voir des gars qui pourraient potentiellement sortir en première ronde se blesser, mais on est quand même encore à 2 mois du repêchage, donc ça laisse amplement de temps là, de récupérer ces blessures-là. Joe Burrow, qui semble-t-il, sera le choix le tout premier choix, on l'a quasiment dit. Et lui a dit mentionné qu'il dirait pas non aux Bengals Cincinnati, puisqu'il y avait eu certaines rumeurs qui pourraient dire non, mais finalement, lui a laissé entendre que si les Bengals le repêchent, il va se présenter avec les Bengals. Ouais, puis je pense que ça a été un peu tourné là, de façon romancée par certains journalistes. Vraiment, qu'est-ce que Joe Burrow a dit quand on lui a posé la question, est-ce que tu t'attends à te faire repêcher par les Bengals et si tu t'attends à te faire repêcher par eux, vas-tu te joindre à l'équipe? Il a dit oui, mais en ce moment, moi, je me concentre sur mon pré-saison, puis je me concentre sur le fait que ça se pourrait que les Bengals me sélectionnent pas puis qu'ils décident d'y aller avec un autre joueur parce qu'il y a d'autres Chase excellents bons Young, joueurs entre autres. dans la QV. Ouais, Chase Young, le. Chase Young, Ouais. ou même Tua, que certaines équipes placent devant Joe Burrow. Lui, Joe Burrow, il a tout simplement dit, moi, je me prépare à ce que n'importe quelle équipe me repêche, puis je vais me présenter, qu'importe où est-ce qu'on me repêche. Puis ça a été un peu, on lui a mis un peu des mots dans la bouche qu'il n'a pas dit, puis au final, Joe Burrow va être repêché premier au total, Même puis. le fait qu'il ait été partant, c'est un an, quelque part, ça fait en sorte Ben, que. Ouais. 2 ans. 2 ans, ok, ouais, ok. Ouais, 2 ans. C'est sûr que sa saison 2018, c'était sa première saison avec LSU. Rien d'exceptionnel. Probablement que si c'était rendu admissible au repêchage l'an dernier, on aurait probablement parlé d'un choix de troisième ou peut-être quatrième ronde. Mais rien. Il a mis les chances de son côté. Il a fait tourner les dés, comme qu'on dit. Puis c'est à son avantage. Il a connu une saison exceptionnelle. Puis on parle potentiellement d'un choix premier au total. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va entourer, puis développer Joe Burrow parce Ouais, que une bonne ligne à l'attaque. Ça prend une bonne ligne à l'attaque. bonne ligne à l'attaque, des bonnes armes offensives, parce que sans rien vouloir enlever aux Bengals, c'est une équipe qui, dans les 15 dernières années, ont eu la chance de compter sur Carson Palmer, puis Andy Dalton, deux joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps dans le college football. Carson Palmer, un récipiendaire du Heisman là, au début des années 2000. Andy Dalton, qui était aussi nominé au Heisman là, à la fin là, de son séjour avec TCU. Donc, deux gars qui auraient dû connaître du succès. Malheureusement, on connaît des bonnes saisons, mais incapable de gagner des matchs éliminatoires. Est-ce que Joe Burrow va être capable d'apporter un peu cette flamme-là dans l'équipe avec ses récents succès à LSU? Là, on parle quand même de championnat national, une saison de 15-0. Beaucoup de personnes pensent que c'est potentiellement une des meilleures équipes de tous les temps. Est-ce que Joe Burrow va être capable de faire la transition vers la NFL puis d'apporter ce côté gagnant à Cincinnati? L'avenir nous le dira, là, mais on va lui souhaiter le meilleur des choses dans le futur. OK. Wallet, très intéressant. On va se reparler durant le temps du repêchage. On invite les gens d'ailleurs à aller visiter le blitznfl.com. Il y a de très bonnes. T'es déjà en mode repêchage. Tu y vas avec avec tes prédictions, les 5 meilleurs à chaque position. Très Ouais. intéressant comme d'habitude. Donc, c'est sur le site blitznfl.com. Donc, on invite les gens à y aller. Il y a très, très. C'est déjà commencé. Merci, Danny. Donc, le meilleur analyste de la NCAA au Québec, Wallet.